vaut d'ébène. Petit prince, vous avez tous droit au bonheur, plus droit aux peurs ni aux peines. Pour vous, je veux passer un message, faire appel à tous les sages. Écoutez ces accords. Écoutez ces accords. Oui, je sais, il n'y a pas beaucoup d'accords. Mais ceux-ci sont des accords en or, des accords pour rappeler aux grands de ce monde que leurs accords ne sont que du vent, qu'un enfant meurt à chaque seconde sans profiter de l'air du temps. Pour hier, bien trop tard, demain, beaucoup trop loin, c'est aujourd'hui et pas plus loin. Aussi, chantons tous ce message, des accords pour tous ces enfants sages, qu'ils aient tous les mêmes droits, vivre, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur couleur de peau. Ils sont tous nés pareils, égaux, égaux au droit de continuer à vivre. Écoutez ces enfants qui rient et jouent encore. Pensez à ceux qui ne le peuvent pas, car victimes de l'oubli, ils passent le vie à trépas. Alors pour eux, écoutez ces enfants et chantez ces accords. Écoutez ces enfants et chantez ces accords. Passant qui allait au café, rentrez chez vous et chantez. Car aujourd'hui le prix du café, cadeau, vous le donnez. Transportez ce message, devenez un peu plus sage. Juste le prix d'un café pour un enfant sauvé. Vous tous pouvez donner pour un enfant qui naît. Alors chantez, chantez ces accords. La vie d'un enfant c'est de l'or. Que tout le monde se réveille pour faire vivre une merveille, un enfant. Ces quelques accords pour éviter sa mort. Appel à tous les grands, appel à tous les sages, des accords pour changer leur sort. Des accords, le prix d'un café, c'est de l'or pour la vie d'un enfant. Pas comme ces promesses non tenues par certains grands, autour de leur café, du haut de leur sommet, de midi à minuit, ils oublient que des enfants voyagent vers la mort sans bruit, doucement. Alors écoutez et chantez ce message, tous ces enfants sages, pour qu'ils s'endorment de rêves dorés, que leurs yeux ne se ferment pas à jamais, car plongés dans l'oubli, leur corps quitte la vie. Aussi, levez-vous pour eux et chantez ces accords. La vie, le regard, le sourire d'un enfant, c'est de l'or. Le sourire d'un enfant, c'est de l'or.